facile monde. Monde, Arite zona butasa Ashikwache mungu wapana Ari kangamana Ari shirbonde Mama pamoya jina yake saramu bible Ari kawasana na butasa duble menopause Ashikukate tumaini apana Ari kangamana Ari shirbonde Kuriku yanga mama moya jina yake shombe Arite zona bandu Ashikulani mungu wapana Ari kangamana Ari shirbonde Devava kangamana Uta shirbonde Kangamana Uta shirbonde Kangamana Yesu eko na weye Kangamana Uta shirbonde Meta mololo Jesus Unitawale Unitawale Peke ya mbushita weza Unitawale Yesu Unitawale Baba Unitawale Nyumba yangu Unitawale Masomo yangu Peke ya mbushita weza Unitawale Yesu Hey! Buje Beta molono Unitawale, unitawale, peke yangu sitaweza. Unitawale Yesu, unitawale Baba, unitawale, unitawale, na nyumba yangu, peke yangu sitaweza. Maisha yangu, unitawale Yesu, unitawale Baba, unitawale, unitawale. Lolo Uzimani Yesu Uzimani Yesu Oh Jibile Hallelujah Jibile Oh Jibile Hallelujah Jibile Oh Jibile Jibile Yesu mokozi Aliye ingia roni akika Akanitilia hodari Aliye ingia roni akika Akanitilia hodari oh, Nashiba Nashiba roni Nara ya Mungu Na mata mbinguni ulimo Na kata kufa Na nuru Mokozi Naona maisha ni yenye mana Nikumtumikia Mokozi Naona maisha ni yenye mana Nikumtumikia Mokozi Kwa kweli nashiba Nashiba rohoni Mara ya Mungu Napata mbinguni ulimo Napata kufa Anurudia avec jubilé. Alléluia, bisoba na zambe, bisoba na zambe, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, bisoba na zambe, aïe, le stoke, boum, aïe, wow, acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser les cris de soi? Est-ce qu'on peut pousser les cris de soi pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Quand on vous dit qu'il y a une danse que David a réalisée, réellement dans cette salle, il y avait un David. Alléluia. Peut-être toi tu n'as pas dansé. Nous appelons la grande chorale. Elle va nous donner aussi un cantique. Là maintenant, toi aussi, on t'attend. Démontre-nous que tu es un David. Démontre-nous le talent de David qui sont en toi. Alléluia. Pendant que nous nous tenons debout, nous poussons le cri et nous acclamons aussi le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour Jésus? J'aimerais annoncer à une personne que ce que tu ne vois pas est plus grand de ce que tu vis maintenant. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer? Quatre. Kombo na Yesu, ele kinyoso. Kombo na Yesu, ele kinyoso. Kombo na Yesu, ele kinyoso. Kombo na nguya nyoso. Naba kombo nyoso awanasi Naba kombo nyoso awanasi Aye makombo yo Kitoko Tika na yebela ye Aleluya Konyoso awanase Kukwere kie spesalite Nakomba minganga, nakomba bakisi, nakomba bakonzi Natena moye Kukwere kie spesalite Ah, naba kombo nyoso awanase Aye makombo Kitoko Tika na yebela ye Na bakombo nyoso awanase Kumbwele ki yesu ezalite Na komba miganga, na komba bakisi, na komba bakonzi Na sena moye Kumbwele ki yesu ezalite Na bakombo nyoso awanase Aye makombo Kitoko Tika na yebela ye Na bakombo nyoso awanase Kumwele kiesu ezalite Ecclesia tambola Tambola na yesu lungo Epesa ka esengo Ecclesia tambola Tambola na yesu lungo Ah, Ecclesia tambola Tambola, tambola na yesu Tambola, tambola na yesu Epesa ka esengo Ba mama tambola Tambola na yesu lungo Epesa ka esengo Ba mama tambola, tambola na yesu lungo Ah, ba mama tambola Tambola, tambola, tambola na yesu Tambola, tambola na yesu, epesa ka esengo Oh, tombwama, yesu tombwama na yowe Tombwama, yesu tombwama na yowe Tombwama, Yesu tombwama na yowe Tombwama, Yesu tombwama na yowe Tombwama, Shilo tombwama na yowe Tombwama, Yesu tombwama na yowe Ah, tombwama, Yesu tombwama na yowe Tombwama, Yesu tombwama na yowe Ah, Yesu tombwama likolo na nyoso Tombwa mali kolo na nyoso Ah Yesu tombwa mali kolo na nyoso Ah Yesu tombwa mali kolo na nyoso Ah balance balance balance balance balance balance et pepa pepa pepa pepa pepa pepa balance balance balance balance balance balance pepa pepa pepa pepa pepa pepa Ah tu danses bien tu danses bien Ah! Tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien! Ah, tu peux pousser les cris déjà pour la gloire de Dieu! Jérusalem, yeah, yeah, yeah, yeah. Jérusalem, toko kota loko la bakozi. Jérusalem, yeah, yeah, yeah. Ah, tu le fais bien, tu le fais bien. Toko kota loko la bakozi. 2026, yeah, yeah, yeah, yeah. 2026, toko kota loko la bakozi. Jérusalem, Ah, le Gota, Gota, Gota, Ah, Jérusalem, Jérusalem, Toko Kota Loko Labakozi. Jérusalem, 2026 2026 Kokoko talo kola bakonzi Jérusalem Jérusalem Kokoko talo kola bakonzi. Ah, est-ce que tu peux danser pour la gloire de Dieu? Binanayo. Ah, tu le fais bien, tu le fais bien. Natondi onkolo, alléluia, natondi onkolo, amé, amé. Natondi onkolo, alléluia, natondi onkolo, amé, amé. Oh, nabosa ni te shilo, bisika yo zwanga na yembeli yo papa nanga, yoku mama. Natondi onkolo, alléluia, natondi onkolo. Est-ce que tu sais que les acclamations font partie de l'action de grâce? Ah! Binanayo! Binanayo! Binanayo! Ah! On attend Dion Kolo. Molo la casson, on attend Dion Kolo. Amé, amé. Nanga kumisama yodelonga nanga papa e Yesu libanga nanga kumisama yodelonga nanga papa e Oh libanga lokota na liziba Yesu alole na boka kiango na kutima kwela takwe yo yo yo yo Yesu libanga nanga kumisama yodelonga nanga papa e Boaka, boaka, boaka, boaka libanga, boaka, boaka, boaka, boaka, yambalo eko simba, wakisa seve, boaka, yambalo eko ratete, Yesu libanga nanga kumisama, yonde longa nanga papa e. Yesu libanga nanga kumisama, yonde longa nanga papa e. Simbanga na loboko Yesu Soki otiki ngai na kokwe akunyatama Simbanga na loboko Yesu Soki otiki ngai na kokwe akunyatama Simba simba nanga banguna baleke yeye Soki otiki ngai na kokwe akunyatama Simbanga na loboko Yesu Soki otiki ngai na kokwe Richesse au pesa Congo même à Bajalwe yo Soki o tiki biso toko kwe toko nyatama Simbanga na loboko Yesu Soki o tiki kai toko kwe toko nyatama Ah simba simba nanga banguna baleke yeye Soki o tiki ngai na kokwe na konyatama Simbanga na loboko Yesu Soki o tiki kai na kokwe Yesu mwana nzamba ye bobo izela Yesu mwana nzamba ye lelo bobo izela Yesu mwana lelo kolela nyonso esili Yesu mwana nzamba ye le ah tambala likisa tambala kitisa tambala kitisa tambala kitisa ale tambala kitisa tambala kitisa Milolo, milolo, milolo, milolo, milolo. Jésus. Encore une fois, tambola. Qui dit ça? Allez, tambola. Qui dit ça? Tambola. Qui dit ça? Tambola. Qui dit ça? Allez, tambola. Qui dit ça? Tambola. Jésus. Mokili mumi basi manga. Bala mazalaki Milolo, milolo, milolo, milolo. Nous voulons faire le kichaka chaka. Kichaka chaka na yo zawapi. Allez zo yango. 1 2 allez. Chaka chaka. Chaka chaka. Chaka chaka. Chaka chaka. Chaka chaka. Chaka chaka. Chaka chaka. Chaka chaka. Chaka chaka. Chaka chaka. Chaka chaka. Chaka chaka. Chaka chaka. Chaka chaka. Chaka chaka. Chaka chaka. Chaka chaka. Chaka chaka. Milolo. Ah, Salaboy, Salaboy, Salaboy, Salaboy, Salaboy, Salaboy, Salaboy. Allez, joyeux encore, un, deux, allez. Chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka. Aïe. Aïe. Nous voulons chanter ton sakanakana va démonter. Joie position. 1, 2, ton sakanaka. Ton sakanakana va démonter. Visson ton sakanakate. Ton sakanakana va démonter. Église ton sakanakate. Ton sakanakana va démonter. Naïna sakanakate. Ton sakanakana va démonter. Allez, Ignata. Nyata, Marie de nuit, Nyata, pauvreté, Nyata, Nyata, Nyata, femme de nuit, Nyata, Marie de nuit, Nyata, sécheresse, Nyata, Nyata, Nyata, Nyata, Nyata, aïe, Tosakanaka, hein, Tosakanaka na ba de monte, Tosakanaka te, Tosakanaka na ba de monte, Église et Sakanaka te, Noyo yo na sakanakate. Allez en position. 1, 2, Nyata. Marie de lui, Nyata. Nyata, Nyata. Pauvreté, Nyata. Sécheresse, Nyata. Nyata, Nyata, Nyata. Maintenant, nous allons faire un bombe céleste. 1, 2, boum. Boum céleste. Nakamba li boso ya Congo. Hey, hey. Boum céleste. La Katia Banguna ya Congo. Boum. Hey, hey. Boum céleste. Boum boum boum boum boum boum. Boum. Hey, hey. Boum céleste. La Katia Banguna ya Église. Boum. Hey, hey. Boum céleste. Boum boum boum boum boum boum. Boum. Hey, hey. Boum céleste. La Katia Banguna ya Congo. Boum. Hey, hey. Boum céleste. Aïe. Ah Simbambo, Simbambo, Simbambo, Yerusalem. Ah Simbambo, Simbambo, Simbambo, Yerusalem. Mokonzi wana azokota. Simbambo, Yerusalem. Yesu nanga likolongu na. Simbambo, Yerusalem. Ah Simbambo, Simbambo, Simbambo, Yerusalem. Mokonzi wana azokota. Simbambo, Yerusalem. Yesu nanga likolongu na. Simbambo, Yerusalem. Ai obina kawapi. Obina kawapi. Milolo. Hosane, hosane wanyi wakwimbira wewa. Hosane, hosane wanyi wakwimbira wewa. Hosanna wangi tuzibana wati nobukanye mibalwishe Hosanna wangi wakwimbila wewe Hosanna wangi wakwimbila wewe Hosanna Hosanna wangi wakwimbila wewe Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Le Seigneur, il est merveilleux pour nous. Alléluia. Je disais, le Seigneur, il est merveilleux pour nous. Alléluia. Pendant que nous invitons l'ancien Elvis, nous acclamons le Seigneur. Amen, amen. Vous êtes tellement merveilleux ce matin. Dans la louange, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Wow! La louange et l'adoration est en train de monter. Avant qu'on continue, je crois que tous nous l'avons constaté. Notre Père était en déplacement et aujourd'hui, il est parmi nous. Je parlais avec lui, il me parlait des péripéties, des avions et autres. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour le retour de notre papa? Il est le seul papa que nous avons. Alléluia! Que Dieu soit béni et nous bénissons le Seigneur qui l'a gardé en allant comme au retour. Bien-aimé, la louange continue, nous avons... des bien-aimés bien qui sont là ce matin. Le groupe du frère Daniel Lubams, c'est un adorateur du Seigneur. Nous l'avons connu il y a quelques années. Il fait un très bon travail à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kolwezi, partout dans le monde. Il est invité pour adorer et louer le Seigneur. En tout cas, il est accompagné de son clavériste que je vais demander de se tenir debout. Ce sont des hommes fidèles. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Vous pouvez déjà prendre place. Il y a aussi son batteur qui l'a accompagné. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour lui? Au moment où ils sont en train de s'installer. Alors, il est aussi accompagné d'une équipe. Il a son bien-aimé, j'ai vraiment oublié le nom. Ok, nous allons lui demander de se tenir debout. Est-ce qu'on peut aussi acclamer le Seigneur? C'est son frère, son ami qui l'accompagne partout où il va. Nous avons aussi le manager brave. C'est quelqu'un déjà de connu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Alors sans plus tarder, nous allons... inviter le frère Daniel Lubams. Il a 15 à 20 minutes. Nous voulons adorer et louer le Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous avancer? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer mieux le Seigneur? Merci parce qu'on a acclamé la chorale, canot vocal. Mais j'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Par cette atmosphère de louange, d'adoration, j'aimerais que tu salues ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans notre maison. Moi-même, je me souhaite la bienvenue dans ma maison. Alléluia. Tu peux complimenter aussi ton voisin. Tu es bien habillé, tu es beau. Nous sommes dans la présence de notre Père. Amen. Alors, à tout Seigneur, tout honneur, avant que je ne commence mon service, j'aimerais dire un grand merci à l'ange de cette église, Papa Désiré, Je vous dis énormément merci d'avoir considéré notre petite personne. Maman, merci de tout cœur. Nous suivons la qualité de votre travail, l'excellence. Souvent quand je passe par ici, je vois l'excellence, je me demande mais quand est-ce que j'irai dans cette église-là? Alléluia. Mais comme j'aime le dire, Dieu est le programmateur des programmes avant que les hommes ne le programment. Il avait déjà programmé le temps et les circonstances. Alléluia. Il savait qu'il y aura un 15 février où je serai à Likasi, précisément à l'église Source of Econ. Alors, papa, merci de tout cœur. Je vous aime. Nous marcherons toujours dans vos pas. Maman, merci aussi. Et merci à l'église pour l'excellence. C'est trop beau, c'est trop calme. J'apprécie beaucoup. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer le Saint-Esprit? Je vais vous demander, s'il vous plaît. Je vais vous demander, s'il vous plaît. C'est permis, c'est vraiment permis de filmer les moments de louange. Alléluia. Ça, c'est la célébration. Mais pendant qu'il y a l'adoration, s'il vous plaît, je ne suis pas une star, c'est Dieu la star. Amen. Au lieu que tu prennes ton temps de me filmer, on va prendre même les photos à la fin. Prends ton temps de prier. Parce que des moments pareils ne reviennent jamais deux fois. Certains prient, toi tu es avec ton téléphone, tu peux rater une visitation qui est là ce matin pour toi. Alléluia. Dis à ton voisin, ne filme pas, prie s'il te plaît. Nous les musiciens, on est tombés dans ce piège où on passe devant, on nous filme, ça nous fait du bien. Alors que la gloire n'appartient pas à un homme, elle appartient à Dieu. Amen. J'aimerais qu'on adore le Seigneur sans plus tarder. Tu vas dire à Dieu que l'atmosphère de ce culte d'aujourd'hui se manifeste. Vous savez une chose, moi et toi, nous sommes lumière. Alléluia. Et l'objectif de la lumière dans le monde, c'est de séparer et d'éclairer. Et ce matin, Dieu vient nous capaciter d'une autre dimension, afin que nous puissions aller faire ce que Christ a dit, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Quand je dis que Dieu est le programmateur des programmes avant que les hommes ne les programment, c'est parce que ta prière d'aujourd'hui, Dieu doit l'exaucer quelque part. Tu n'es pas en ce lieu étant spectateur, tu es étant acteur. Tu n'adores pas à cause de la mélodie, mais tu adores parce que la présence de Dieu est en ce lieu. Il y a des défis à relever. Il y a des prières que nous devons ébranler. Il y a des prières que nous devons poster. Prie quand ça ne va pas, mais prie mieux encore quand ça va. L'atmosphère dépend de ta soif. L'atmosphère dépend de ta soif. Ça ne dépend pas du modérateur. Si tu sens que tu vas prier avec un voisin, tu pries avec un voisin. Si tu sens que tu dois te déplacer, déplace-toi. Mais je te demande une chose, que cette saison, l'atmosphère ne te... Là où il y a deux ou trois ma présence, je suis au milieu d'eux. Il est là où il y a plusieurs personnes qui désirent seule ta présence. Nous sommes en commun accord. Nous désirons la présence de Dieu. Nous sommes en commun accord. Nous désirons la présence de Dieu. Nous sommes en commun accord. Nous désirons la présence de Dieu. Nous sommes dans une même volonté. Nous désirons la présence de Dieu. Ici à Likasi, sans la présence de Dieu, tu seras disqualifié. Bengi ne bekona makuta. Bengi ne bekona ma connaissance. Mie na weye ni paka mungu. Mie na weye ni paka mungu. Mie na weye ni paka mungu. Tu as compris. Nam suma iria buan Krama mulima Usia singi Milele Nam suma iria Krama mulima Usia singi Milele Nam suma iria Lama mulima Rusia tingizi Tu as compris Lama mulima sayuni Rusia tingizi Milele Namtumainia Lama Usia tingi Namtumainia Lama mulima Usia tingi Milele Namtumainia Nikama Milele Lam su maini o buan Lama mulima Usia singizika Milele yo Milele Aminami Milele Aminami Amina milele yo Lema ya buana Lema ya buana yo Nema ya Bwana yo Shia tunaomba kwa neema Nema ya Bwana Mimi nalia Eglise Mimi nalia Nema ya Bwana Nema ya Bwana Tunaishi kwa neema tuna oma kwa neema. Neema ya Bwana. Zamba bikomo. Chikalala na yo. Kopande shani vede pande tonde kalide lan. Renitendra tonde venikendra nena tonda shitendra kunan. Zamba bikomo. Chikalala na yo. Est-ce que tu peux prier? Si tu sens que tu peux prier avec un voisin, est-ce qu'on peut prier deux à deux? Tu peux chercher un voisin dans la salle. Cherche un voisin dans la salle, s'il te plaît. Prie avec un voisin à la main. Prie avec un voisin à la main. Prends la position que tu peux. Yo il est. Mungwe quoi pas. Tu ne pries pas pour ton voisin, tu pries parce que Dieu est là. Ah. Des cultes et des cultes. Profite de ces instants. Profite de cette atmosphère. Coule encore. Ne sois pas mature dans sa présence. Dieu est là. Zamba bikoma, shikalola na yo. Zamba bikoma, mimoni. Zamba bikoma, shikalola. Zamba bikoma, shikalola na yo. Zamba bikoma, imoni. Zamba bikoma, shikalola na. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Ah! J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas. J'irai jusqu'au. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas le jouer. Je ne jouerai pas. J'irai jusqu'au bout. J'ai une prophétie sur ma tête. Je ne peux pas le jouer. Je ne jouerai pas. J'irai jusqu'au bout. Qui va boire yo yo yo yo yo yo yo. Qui va boire yo yo yo yo yo yo. Qui va boire yo yo yo yo yo yo. Qui va boire Wana yo Kiva Wana yo yo yo yo yo yo Kiva Wana yo yo yo yo yo Wasa sa Wama. Est-ce que tu peux couler dans ton atmosphère? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que l'Église peut prier? Est-ce que l'Église peut prier? Si tu sens que tu pries avec tes mains, tu peux prier avec tes mains. Tu n'es pas venu accompagner un homme. Tu es venu soupirer auprès de sa présence. Tu n'es pas venu regarder un homme. Ukula Zimana Mungu. Ukuna Zimana. Ukula Zimana Mungu. Ukula Zimana Mungu. Ukula Zimana Mungu. Kakakaka papan, sheni tonde kele penda lolobona, shande kutande la viadena, shali shali de la sobe, wateli de la sopane, rike pampa levelia, watetika de fawiko, arini nunara de lecleria, wapandre tole kande pasiyama, wakalia pampa le manomosana. Yakapune la mama mama na Sherako papa levelia Witena soka Ipa Wika Shekuyo Wakio Elefa Watretelika Elemitika Wamepa Eleforia Leka Waka papa ne Ita ita Watelena Weke papa aya ya tonka ya Est-ce que l'église peut prier? Est-ce que l'église peut prier dans cette atmosphère? Prie, parle à Dieu. Ce n'est pas l'instrument qui fait le poids de ta prière. Mais c'est la connaissance que tu as dans sa présence. Et la Bible dit, mon peuple périt par manque. La Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce que quelqu'un peut vibrer encore? Pas parce que je te demande, mais parce que Dieu est là. Mouma, chien tout en haut, pas qu'à Mingouis. Mouma, chien tout en haut, pas qu'à Ousse, mais le Mumao Semeshamingu Mumaomi Mumaomi Shia tunao Waka mingu ise Mumaomi Mumaomi Shia tunao Waka mingu ise Mumaomi Mumaomi Shia tunao Waka mingu ise Mumaomi Mumaomi Shia tunao Waka mingu ise Mumaomi Shia tunao Waka mingu ise Mumaomi Mumaomi Shia tunao Waka mingu ise Il y a un Dieu En ce lieu, et moi je prierai jusqu'à ce que le ciel, il y a once, ever, yeah. Il y a un Dieu. En ce lieu, et moi je prierai jusqu'à ce que Passons les langues à l'eau, la tombe lit ma mort, sale langue à vie comme, la ligue la mort, Jésus fomme les langues à la tombe lit ma mort, sale langue à vie comme, la ligue la mort, Papa, pour moi les langues à l'eau, la tombe lit ma mort, car si ça les langues à vie comme, la ligue la mort, pas ça les langues à l'eau, la tombe lit ma mort, ça les langues à vie comme, La bonne, yeah, faut voler la malole. La tombe lit ma mort, sale la vie comme la ligue la bonne, yeah, pas sale la malole. La tombe lit ma mort, car si sale la vie comme. La mode, pas seul et la malole, la tombe lit ma mort, car si seul et la rabica, la ligue la mode, il y a aussi calola pour l'aile, atanaye, bambala et belle. Anabe zaga gogo Yo sika lola polele Atana ye bambala ebele La mena Eglisile la zopele la yo moya Po zopele la yo moya Sambalone, o salibika, Bozo bele la yo moya. Nos mains sont levées, nous voulons te lever. Je te célèbre, Adonai. Tu es le Père, Zakia. Oh oui, tu es Dieu. Église, dis-le. Oh Adonai, Adonai, l'univers. Éternel. Oh Adonai, éternel, là. Dis-le, nos mains sont levées. Attends. Oui, tu es le Père. Oui, tu es Dieu. Sois la nôtre. Tu es le. En soi victoire. J'étais quelque part qu'on dit voici tel président entre tout le monde debout en train d'acclamer. Bien aimé, est-ce que ce matin tu ne peux pas t'élever et acclamer pour ce Dieu merveilleux? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer ce Dieu merveilleux? C'est Dieu merveilleux. C'est Dieu merveilleux. Alléluia. Merci. Oh, il est merveilleux. Et comme on ne doit pas te supplier pour adorer le Seigneur. On ne doit pas nous supplier. Ailleurs, oui. Mais dans la présence de Dieu, personne ne peut me supplier pour l'adorer. Est-ce que tu peux l'adorer avec tes mains? Tu peux y aller avec tes mains.

Tu dois déclarer ceci. Utasema ipi. Tu dois faire ceci. Utafanya ipi. Qui sont des principes vrais en fait. Bloquer ma kanuni nduku. Et quand tu les appliques, ça se réalise. Na unaitumia inatimilika. Mais il y a une petite séduction que nous allons voir. Lakini kuna kwa vitu moto hosa kuona. Dieu n'est pas là souvent. Souvent Dieu n'est pas là. Saidi Mungu ayuko. On veut que l'homme résolve le problème de la vie par sa propre capacité. Muntu anetea jibu kupitia mawezaji yake mwenyewe. On reviendra en semaine Dieu aidant. Il y a la foi ferme. Kuna kuya imani kamilifu. Il y a les œuvres. Na kuna kuya matendo. Toi qui dis que tu as la foi. Wewe unasema unakuwa na imani. Comment tu montres ta foi? Je, unaonesha imani yako? Jacques chapitre 2 verset 18 19 et la suite de ces versets là. Yakobo sura ya pili mstari wa 19 fuata. La Bible nous dit, c'est Jacques qui dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Yakobo anasema unionyeshe imani yako bila matendo. OK, merci. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi. Muntu atasema wewe unakuwa na imani. Et moi j'ai les œuvres. Na mimi niko na matendo. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Unionyeshe imani yako bila matendo. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Na mimi nitakuonesha imani kupitia matendo. Beaucoup de gens parlent de la foi. Watu wengi wanazungumzia imani. Non, je suis un homme de foi. Niko mtu wa imani. Je suis une femme de foi. Niko mwanamke wa imani. Mais en réalité, il ne fait rien. Lakini kumukwela sifanye kitu. On ne voit rien. Atuone kitu. Je vais lire carrément toute la suite, mettez-moi le verset 19 et le suivant. Mwenyeke mstari fatayo. Mettez le verset suivant. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres, la foi sans les œuvres, elle est inutile. Imani bila matendo haifaidie kitu. Verset suivant. Mustari fatayo. Abraham notre père. Ibrahim baba yetu. Ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Akwesabia uwaki kupitia matendo wakati alitoa mwana wake Isaac. C'est quand il a offert Isaac. Wakati alimtoa Isaac. Que Dieu lui a dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Je vois maintenant. C'est-à-dire qu'il fallait une preuve supplémentaire de sa foi. Frère, Dieu attend une preuve supplémentaire de ta foi. Dieu attend une preuve supplémentaire. Beaucoup de gens viennent dans l'église. Tu as reçu le Seigneur, c'est vrai. Mais Dieu attend une preuve supplémentaire de ta foi. Quand tu dois faire une offrande, quand tu dois servir Dieu, quand tu dois faire un sacrifice, Dieu attend une preuve supplémentaire. Mettez-moi le verset suivant. C'est quand même intéressant ce texte de Jacques. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Verset suivant. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Elle fut appelée ami de Dieu. Continue le verset suivant. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est mort. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ok, nous rentrons au verset de l'année. Je parlais de quatre concepts. La séduction. La connaissance de Dieu. La foi ferme. Et les œuvres. Ici, on parle de deux catégories de personnes.

est favorisé. Non. Sivio. Chacun fera les 400 mètres prévus. Qui l'a monté pas 400 mètres les bâches. Mais si tu quittes ton couloir, tu vas dans le couloir de l'autre. Ok, toi qui mungia ya konenda mungia ya mungine. Tu perds. Una potesha. C'est ce qui se passe avec les chrétiens. Dieu t'a placé dans ton couloir. Toi, tu veux quitter ton couloir. Le numéro 3. Le numéro 3. Aller dans le couloir numéro 4. Il y a des choses que Dieu a prévues dans ton couloir. Que tu ne verras jamais. Alléluia. Amen. Reste dans ton couloir. Bakia munjia yako. Mon couloir n'est pas le couloir d'Elvis. Jia yangu sio ya Elvis. N'est pas le couloir de l'ancien Polydor. Aina mse Polydor. Ton couloir n'est pas mon couloir. Jia yako aina jia yangu. Je reste dans mon couloir. Na bakia mukistari kyangu. Alléluia. Amina. Beaucoup de gens Batumingi ont des problèmes dans leur vie. Bekola mambo maisha yabo. Saul dit à David. Saul a mambia Daudi. Prends ses chaussures. Tu quoi bibi? Prends ce pantalon. Kamata isluani. Heureusement qu'il n'y avait pas de photo à ce moment-là. S'il y avait vraiment des caméras. Kamul kwa ma caméra na ma picture. La Bible dit que Saul est dépassé tout le monde de la tête. Saul a rukua mulefu aripita bantu bote. Et David était de petite taille. Na Daudi a rukua mufupi. Si je couais pantalon à David, il y a Saul mufiki à David. Mi si je pantalon à Saul, Daudi a ivoile mita kwa chini. Si na bilato bia Saul, comment David s'est débrouillé? Kilato ki a Saul, Daudi a tafuta ki voile la chini. David a marché. Daudi a na pima. Il dit non, roi. Mufalme. Prends seulement. Je reste dans mon couloir. Dans le couloir de David. Il n'avait que les catapultes. Mais c'est ça qui était nécessaire pour avoir la victoire sur Goliath. Reste dans ton couloir. Beaucoup de gens quittent leur couloir. Ce jeune prophète, il a quitté son couloir parce que quelqu'un lui a parlé. Et un serpent, un lion l'a tué. C'est lui qui l'a même amené là-bas. Il est juste parti constater la mort et récupérer le cadavre. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont quitté leur couloir. Tu es prophète. Reste prophète. Tu es pasteur. Reste pasteur. Tu es évangéliste. Reste évangéliste. Tu es ingénieur. Reste ingénieur. Imaginez-vous. Tu amènes ton enfant dans la salle d'op. Tu poses la question. Qui va l'opérer? On dit non, c'est le bishop désiré. Bishop désiré. Frère, tu vas accepter? C'est un problème. Mambo. Vous montez dans l'avion. Quel est le pilote? Non, c'est le prophète qui te conduit. Je vais demander de descendre. Parce que là, ce n'est pas un ministère de prophètes. Bien aimé, il n'y a que les chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que nous devons cette semaine, ce mois, combattre les esprits de séduction qui nous présentent des choses qui paraissent vraies mais qui ne sont pas vraies. Je me rappelle quand on était des enfants, nous qui avons étudié dans les internats, vous pouvez appeler quelqu'un, viens, viens. Alors que vous avez déjà fait un piège sur un trou, vous mettez seulement l'herbe. Vous n'avez pas vu ça. Quelqu'un il vient, quand il marche sur l'herbe, il tombe dans le trou. Et vous riez. Ça se passe comme ça. Il a fallu qu'à ville. Le diable. Shaitan. Il met des esprits séducteurs. Analeta ma peuple ya kuvuta na watu. Qui nous détruisent. Yeye taweza kutuharibu. Et les esprits de séduction. Na ima peuple ya kuvuta watu. La Bible dit qu'ils séduiront par des flatteries. Ataweza kuvuta kupitia tu misemo ya mizuri. Seulement soyez lisse, comme ça je l'ai regardé. Flatterie. Attends-moi bien, monsieur, moi, à Missouri. Bon, je vais définir. Voilà, la flatterie, c'est quoi? Tout le monde connaît la flatterie. Hein? Bon, c'est pas seulement défini. On sait que c'est la flatterie. Comme quelqu'un me disait, non, moi, j'ai pas de problème. Même s'il me flatte, qu'il me flatte seulement, je sais que c'est faux. La flatterie, c'est le mensonge. Hein? Non, on peut. Vous dites, Moïse, c'est quoi la flatterie en Swahili? La flatterie et le mensonge, c'est la même chose. Oui, Moïse. Oui. Donc il y a des gens qui aiment entendre ça, non? Qui aiment entendre les flatteries? Non, preso, il faut aller à Kinshasa. Preso. Non, dans le quartier, je n'ai pas vu quelqu'un comme toi. Habillé comme ça. Non, joie. Oh, il y a 5000. Oh, pardon. Pardon. Frère, vous n'avez jamais vu ça? Oui, on a la ville. Nous, on a vu ça dans le quartier là, en Gaba. Ngaba. Ah, non, j'ai évité Ngaba, c'est terrible. Vraie flatterie. Ah, Vesto, vraiment, ça te voit. Écoute, l'équipe Papa Wemba. Yo, l'équipe Papa Wemba. Et là où il est, il bouge d'abord. Preso. Il donne quelque chose. À la toche, qui il vante encore. À la je vous dis, même maintenant, quand j'ai un coiffeur vraiment terrible, hein, il pendant qu'il te coiffe, il te flatte. Et qu'on a coupé en gagne. Ah, Soukio, vraiment, non, non, mon été. Ils ont respecté ciseaux. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça. Et quand tu termines, il dit non, c'est combien? Il dit 20 000. Toi, tu sors 50 000. Il dit ah, preso. Voilà. Donc, toi, tu ne comprends pas. Mais tu es en train de tomber dans le piège petit à petit. Il y a même des sœurs ou des femmes qui sont tombées dans le piège à cause de la flatterie. En fait, j'ai essayé de regarder dans le dictionnaire. Une flatterie, c'est une louange faite de façon intéressée. Donc, on attribue à quelqu'un des qualités qu'il n'a pas. On n'a pas montré bintu bile ananabi. Vous lui dites que non, tu es fort, alors qu'en réalité, il n'est même pas fort. On n'a pas montré ce que qu'on a engouffu, naie mukweli anangouffu. Tu es belle, alors qu'en réalité, elle n'est pas belle. Comme Missouri, ça n'a laie mukweli ana Missouri. Non, vraiment. Toi, comme quelqu'un qui me dit, non, moi je suis comme un blanc, frère, moi je suis noir. Mais toi, tu peux tomber dans le pied et tu dis, ah, vraiment, comme un blanc. Samuzungu. Bon, Zouanan. Kamata. Alors que vraiment, ou que noir comme moi. Kumwe ushi tu. Non, frère. Apananduku. Des flatteries. Il ma misemo ya. On a trouvé quelqu'un de qualité qui n'a pas. Patia muntu ma uzuri ile ananayo. C'est une louange fausse. Inakuwa ni kutapa kwa biabongo. Une louange fausse. Tapa kwa biabongo. Je lisais même un livre, on dit que c'est un commerce de mensonges. Inakuwa tu ni ku

Mais c'est bien, le roi doit entendre quand même ces choses, non? Non, mais toi tu joues comme Messie. Il est sûr qu'on a qui font pas. Vous connaissez les qui font pas? Ah voilà, les ballons à concousé, nous à l'époque. On faisait. Voilà, les enfants de maintenant, on va à Jambes, on achète déjà les ballons, on amène. Donc tu joues comme Messi, non? On appelle ça Messi. D'ailleurs toi tu dépasses même Messi. Ouais non putain la Messi. Et puis un enfant crochet. C'est un enfant crochet. L'ampika kamusorio. L'ampika ndama. Voilà il fait ça. Un enfant habile. Alors qu'en réalité il n'est pas Messi. Naï mukweli ana Messi. De plus en plus son cœur est en train de partir. Oui qui on a tout capo les poils. L'esprit de séduction. Oui y a qu'on fout. Oh bien-aimé, comment combattre l'esprit de séduction? La connaissance de Dieu, la foi, imani, et les œuvres. Na matendo. Plusieurs. Wengi. Bien-aimé, il faut être attentif. Ya faisait quoi anke kabisa? Très attentif dans la vie. Quoi anke katika maisha? De voir, souvent on ne voit pas. C'est comme ça que ne soyez pas toujours entouré de flatteurs. Quand tu es entouré seulement de flatteurs, frères, tu sais, tu dois avoir des personnes. Quand il y a un problème, tu l'appelles. Tu sais que celui-ci me dit toujours la vérité. Non, papa, là, tu t'es trompé. Baba, parle. La vérité dans l'amour. Katika mapendo. Tu as fait ça. Olifanya Je pense qu'il faut faire ça comme ça. Yeah. Kama tunafanya hivi. Non, merci que Dieu te bénisse. Accente Mungu akubariki. Et ça se limite là. Na inishia pale. Tu ne sors pas à l'extérieur pour dire voilà. Autoke inje unaanza kutangaza. Voilà. Tazama. D'ailleurs, attends, il est cher baroka pakachikachi. Même la chair là au milieu. Mais tu ne m'as pas passé seulement au lieu que pakachikachi. Mais tu ne m'as pas touché que le kafupi ou que le amulefu. Pasteur, je ne sais pas que mi. Il ne m'écoute pas. Pasteur, je ne sais pas que non, frère. Il écoute seulement tel. Dans Matthieu chapitre 26, on ne va pas lire. Je vais terminer. Jésus va à Gethsemane. Il commence à chanter des cantiques. Et puis il leur dit, mais ce soir, Mangaribia je serai pour plusieurs. Un sujet de scandale. Pierre dit non. Pedro non. Anasema, apana. Jésus, tu te trompes. Yes, tunadanganyika. Même si ça arrive pour tout le monde. Kifike bantu bote. Moi, Pierre. Mie Pedro. Never. Akuna. Jamais. Kamwe. Jésus le regarde. Yes, tunamutazama. Il dit non, tu mens. Tu mens. Unalanda. D'ailleurs, aujourd'hui, nayo, avant que le corps ait chanté trois fois, kabla joba, toi, Pierre, tu me renieras. Il a vu venir l'esprit de séduction pour dire non, ne pars pas à la croix. Jésus dit non, c'est pour cette heure que je suis venu. Il y a certaines choses, nous devons passer par là. Frère, la turbulence dans la vie n'est pas toujours mauvaise. Il y a des chemins par où il faut passer. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Mais pourquoi Dieu n'est pas venu t'enlever de la vallée? Dieu a attendu que tu traverses la vallée. Parce qu'il y a des choses qui doivent tomber dans la vallée. Il y a des choses que tu dois voir aussi dans la vallée. Nous devons combattre l'esprit de séduction. C'est l'esprit des cycles courts dans la vie. C'est l'esprit qui nous présente des choses qui ne sont pas vraies comme si elles étaient vraies. Et plusieurs enfants de Dieu sont tomber dans cet esprit. Il y a plusieurs esprits de séduction. Et Dieu fera grâce qu'on en parle. La quête de la richesse dans le monde. Ça, c'est un esprit qui est entré dans le monde. Dans Daniel chapitre 12, verset 9.

nini takupa vyote nafanya inafurahi umenilinda kwa upendo lako vyote nafanya minafurahi baba yangu nini takupa vyote nafanya minafurahi umenilinda kwa upendo lako vyote nafanya minafurahi zambe inanga nini na pesa nyoso sali eleki ya mingi bula muno epesi ngatina na yemi zema euzi motema iyo yo yo yo zambe nanga olegi bangoye ole nkumu iyo yo yo yo zambe nanga olegi bangoye nasana zambo ya tondangu ya natale la kaliba kumalamwe zambe oyo ingambe mubanye Bilila belela papa Nazana nzambo ya tonangu ya Natale la kaliba kumalamu yeyo Zambe oyo ingambe mubanya si. Bilila belela papa Basali makita esimbi Nyoso esimbi te Zambe nanga oleki bangoye Ali tumetoka bila kuchoka efore futi pesamba pesi touti mosika je n'abandonne pas je il cordonne du ya le longa nandimi kwepinga mana yo nakanga mana yo bona le zilidi ya le longa nandimi Voting a man, yo, cooking a man, yo. Bali to metoka, Bila kuchoka, e fare futi, beta ma pesilo, touchi. Jay Codon, Jay, Yalelo, Yalelo, Say, Coding. On a noé si l'idée, il y a le long à la dimi. On a noé si l'idée, il y a le long à la dimi. Bobo mangate, c'est papa Kim. Il en sait un pamba, c'est papa Kim m'a donné. Boy na ngate se papa ki madone Yelele se papa Église on va le dire tous ensemble Eh Mote manonga Église chante le Mote mananga Aïe Mote mananga Sans instrument juste l'église Mote mananga Sigidi, sigidi. Tu peux encore le chanter plus fort. Juste à l'église. Amina lele. On est ça, il est Mikono, Mikono. Sigidi, sigidi, sigidi, sigidi. Amina lele. S'il encore, Mote mananga, Mote mananga, Mote mananga, Mote mananga, Mote mananga, Zamba batoma, Zamba basakoli, Yama toma, est-ce qu'on parle avec les mains justes? Aïe, Zamba, Batoma, Zamba, Anza, Batome, Iz, Azababa Jome, Azababa Jome, ah, Amina yo yo yo, le le le le, Amina Azababa Jome, le le le le, Amina Pasola lole, le le le, Amina Yamba Bololo, Amina Yamba Mabo. Amina yo yo yo yo, elle elle, juste à l'église. Amina yo yo, Amina yo yo yo, Amina, elle elle, Amina, Amina, Amina yo yo yo, elle elle, Amina, Amina passons la lole, elle elle, Amina chuka utene, elle elle, Amina yamba mwa. Votre molly Zambaba Sakoli, votre molly Zambaba Sakoli, Zambaba Tome, Zambaba Tome, votre molly Zambaba Sakoli, votre molly Zambaba Sakoli, Zambaba Tome, Zambaba Tome, ah, ou en tout moi, et vous comme un bosso. Est-ce qu'on peut pousser les cris de soi? Est-ce qu'on peut pousser les cris de soi? Est-ce qu'on peut pousser les cris de soi? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il est préférable d'être dans la présence des dieux. Alléluia. Quelle présence du roi de rois en ces lieux. Quelle présence du Père éternel en ces lieux. Quelle présence de celui qui nous aime tant en ces lieux. Quelle présence de celui qui nous retire du fumier en ces lieux. Alléluia. Place au communiqué. Nous aimerons accueillir nos invités, accueillir ceux qui sont venus pour la première fois en ces lieux. Kama ni mala ya kwea kwanza kuya kuabudu na shie, kuya kuomba na shie. Tunakusipa lewiko, ushimame tukupokele mupresensi ya Mungu. Apana kushikia aya, ni mupresensi ya Mungu. Sois tellement à l'aise, tiens-toi debout là où tu es. Nous allons t'accueillir dans la présence de Dieu. Visiteur. Alléluia. Il n'y a que les enfants de la maison, nous acclamons le Seigneur. Alors, nos programmes du culte, le lundi à vendredi, il y a prière matinale de 6h à 7h juste. Le lundi à partir de 16h30 jusqu'à 18h, il y a rencontre dans nos différents secteurs. Alors, secteur 40 maisons, ça sera chez le diacre Olivier Kiboué. Le secteur camp SNCC et UCS, ils se rencontrent ici à l'église. Le secteur quartier mission 1, chez Papa Eric. Le secteur quartier mission 2, chez Maman Charlotte Berzani. Alors, le jeudi, à partir des 15h, il y a culte de maman. Le vendredi de 16h à 18h30, il y a culte et jeûne des prières. Le samedi, à partir de 7h30 jusqu'à 8h30, il y a intercession. 9h, évangélisation. Et à partir de 15h, la jeunesse se rencontre. Et les dimanches, culte de bonnes nouvelles. Pour les anniversaires, nous invitons papa. Merci Mathieu. Nous avons quelques anniversaires ce matin. Ed Seba qui fête son anniversaire. Je l'ai vu quelque part. Viens mon ami, mon frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager? Je suis content quand je vois mes enfants grandir comme ça. C'est de... Alléluia. La sœur J'espère que j'ai bien lu le nom. Luz, c'est ça? C'est Luz. Hein? Ok. Luz Kumwimba. Oh, on va acclamer le Seigneur pour l'encourager. Gloire au Seigneur. La sœur Gracia Kitenge. Oh. Caribou. Peut-être que toi, on n'a pas donné le nom. C'est aussi ton anniversaire. Viens, on va prier pour toi. Viens. Maman Régine. Hey. Caribou, vous étiez né hier. Votre date, c'est quoi? Le 14? Le 12? Je vous vois avec des rouges. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Qui d'autre? Voilà, nous allons prier pour nos bien-aimés. Nous allons les recommander à la grâce de Dieu. Que Dieu les bénisse. Que Dieu continue à faire du bien dans leur vie au nom de Jésus. Prions. Seigneur, merci. Je bénis tes enfants. Que ton nom soit béni. Je bénis Ed, Seigneur, qui marche dans la victoire, dans le couloir que tu as préparé pour sa vie. Je bénis Luz, Seigneur. Bénis sa vie et que ta grâce soit accrochée à elle. Je bénis pour maman Gracia. Seigneur, que ton nom soit élevé dans sa vie. Accompagne-la dans tous les détails. Je bénis maman Régine. Que ton nom soit élevé. Merci Seigneur pour ta fidélité. Je le recommande entre tes mains. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Action de grâce. Tendo la shukrani. Maman Kalumbu remercie le Seigneur et l'Église pour l'assistance lors du deuil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Est-ce qu'on peut l'encourager? Que Dieu vous bénisse, maman. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour Maman Kalumbu. La famille Monga. Remercie le Seigneur pour le soutien lors du mariage de la sœur Tegra. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, on a déjà donné le programme. Mardi, nous avons intercession de tous les serviteurs. J'essaie toujours de suivre le programme de l'église. Le nombre de serviteurs qui étaient là le mardi passé. L'autre mardi et le mardi passé est toujours faible. Il y a beaucoup de serviteurs à l'église, mais mardi c'est de 17h à 18h. Venez et prions pour l'église. Tu es serviteur de Dieu dans l'église sous féconde, mais tu ne pries pas pour l'église sous féconde. Alors je t'encourage, arrange ton calendrier, ton agenda, mardi à 17h. Viens, Caribia, pour qu'ensemble nous puissions prier pour l'église. Il tombe au tepamoja. C'est très important. Il y a moi mokabisa. Que les serviteurs de Dieu fassent cela. Dans les jours qui viennent, je pense que je vais vous donner le programme. On aura une école de prédicateurs. Pendant un temps, je voulais enseigner à tout le monde. Les sœurs comme les frères par rapport à certains aspects de l'église, la prédication, la modération. Et nous allons travailler ensemble. Nous toutes les mamans, Nous sommes priés de rester à la fin de ce culte. Toutes celles qui est maman, yoyote eko mama, reste à la fin de ce culte. Atabakia kumuisho ya mkusaniko. Le mois de mars, il y a une convention de mamans. Mweji ya tatu. J'aimerais que les mamans se préparent à ce travail. Non seulement la convention. Je réfléchissais à un moment donné. Pourquoi les mamans ne font pas toujours ce qu'on fait d'habitude partout? Vous pouvez imaginer quelque chose qui va vous unir davantage. Vous affirmez davantage, pas seulement pour que je m'en paie. La vie chrétienne n'est pas là seulement pour chasser les démons. Christ n'est pas pour que je m'en paie. C'est la vie. Yo, ni maisha. D'abord, ça permet de vous mettre ensemble. Pour le même objectif. Vous pouvez organiser beaucoup de choses. Vous pouvez organiser un match de foot. Même si on vous flatte, ou que ça Messi, il n'y a pas de problème. À un moment donné, on est vous pouvez organiser un match de Zango. C'est Zango. Vous organisez un match, nous avons un terrain. La semaine là de la convention, j'aimerais voir les mamans faire des choses. Vous organisez, ça vous raffermit. Ok, vous faites les équipes, équipe source féconde. Les jeunes sœurs, les mamans, équipe source féconde, grâce à mission, équipe des mamans de. Team ya wa mama. Kampumpi. Kamatanda. Joli site. Et nous venons vous donner la coupe pour les angoïstes qui vont gagner. Si c'est talenta qui compte, comment les batailles vont être. En fait, faites des choses différentes. Pour ça, il faut réfléchir. Il faut se donner des idées. Alléluia. Amen. Donc voilà, les mamans restent à la fin des cultes pour parler entre elles. Et préparer ce travail. Je vais vous confirmer, je crois, au courant de la semaine pour les deux oratrices. Une m'a donné son accord là où j'étais et une autre, j'ai parlé avec elle, j'attends juste son accord d'ici mardi ou mercredi. Mais dans l'entretemps, à ces deux oratrices, préparez aussi les mamans de nos églises. Je veux que tout le monde dans l'église travaille pour que la gloire revienne au Seigneur. Cette semaine, Dieu nous fera grâce. Je pense que nous sommes là pour enseigner ce que j'ai introduit aujourd'hui. La semaine qui vient, le pasteur Kinchonko de Kampala sera là au milieu de nous aussi pour un séminaire pendant 3 jours. Il va terminer le mois de février jusqu'au 1er mars. Et puis, nous laissons le programme du mois de mars aux mamans, meublé tout le mois de mars. Tout le mois de mars. Dites-nous ce que vous avez prévu. Sans compter seulement la semaine du 29 où nous avons le dimanche des rameaux. Le 5 avril où nous avons. C'est le dimanche de Pâques. Et nous aurons une célébration Pâques 2026. Voilà notre programme. Et toutes les équipes, tous les musiciens qui doivent travailler à la célébration Pâques sont déjà contactés. Et tous nous ont donné leur accord. Donc nous sommes en train de travailler et de préparer ce grand travail. Amen. Est-ce que tu peux acclamer maintenant pour le Seigneur? Pour Dieu qui t'a parlé, pour Dieu qui t'a fait du bien. Acclame le Seigneur pour la victoire la semaine qui vient. Oh, il est merveilleux. Lève ta main là où tu es assis. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Oh, merci. Alléluia. Est-ce que maintenant on peut se lever? On se tient debout, tu lèves tes deux mains. Je vais proclamer des paroles de bénédiction sur ta vie. Anne priait toujours. Mais le jour où Élie a prononcé les paroles, la vie d'Anne a changé. Ce jour-là, il avait rencontré Élie dans le temple. Et Élie a parlé sur sa vie. Seigneur, ce matin, je me lève devant ton trône pour parler sur la vie de tes enfants. Que ceux qui sont malades aujourd'hui reçoivent la guérison dans leur corps. Au nom de Jésus. Que ceux qui se posent encore des questions. Où est Dieu? Pourquoi ceci? Aujourd'hui, qu'ils trouvent la solution. Parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Parce que le jour annonce la semaine. Je bénis la semaine qui commence. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et que la communion et la communication du Saint-Esprit soit avec chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.